Salut, ce soir pour les Loges Sonores, je rencontre Guillaume Vallayer et Samuel Cajal qui ont créé 3 minutes sur mer en 2007. Ce soir, ils se produisent au Divan du Monde à l'occasion de la sortie de leur premier album, Désespoir de singe. Je vais donc les rejoindre de suite dans les Loges. Samuel, Guillaume, salut à vous. Salut. Pouvez-vous nous expliquer la jeunesse de votre binôme, comment vous êtes rencontrés ? Alors, on s'est rencontrés grâce à une annonce internet à la base. Donc moi, je jouais avec quelqu'un qui a posté une annonce la plus dithyrambique et la plus mégalomane de toutes les sites web de tout internet, tout le réseau des musiciens qui cherchaient donc on cherchait un chanteur. Et donc Guillaume a répondu à cette annonce en bon mégalomane qu'il est lui aussi comme moi-même. C'est juste, on était deux musiciens de 20-23 ans et venant de province. Et comme tout musicien qui monte à Paris, à un moment, tu cherches des musiciens. Tu cherches qui va être le gars avec qui tu peux jouer, avec qui tu peux monter un groupe. Donc à chaque fois, on raconte cette anecdote qu'on s'est rencontrés sur Internet. Mais en fait, c'est le parcours de centaines de milliers de musiciens qui essayent d'aller au bout de leur envie. Voilà, il s'avère que c'est passé par Internet, mais qu'on est devenus potes d'abord avant de jouer ensemble vraiment dans 3 minutes sur mer. Samuel, la guitare, c'est un peu ton instrument de prédilection. Tu peux nous faire une petite synthèse de ton parcours de musicien ? Alors, moi, j'ai commencé à faire de la musique, je vais avoir 14 ans. J'ai commencé par la guitare, mais très vite, je me suis mis à la basse, car en garçon intelligent que je suis, j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup trop de guitaristes et que pour jouer dans un groupe, il valait mieux faire de la basse. Parce que des bassistes, par contre, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai beaucoup joué de la basse, principalement dans deux groupes quand j'avais entre 16 et 25 ans. Et j'ai joué de la guitare en groupe, en tout cas uniquement avec 3 minutes sur mer. Sinon, j'ai joué aussi de la basse avec la Mathilde qui est présente ce soir. Avec qui j'ai joué pendant un an là, sur la sortie de leur disque Équilibriste. Et c'était quoi ta question à la base? Non, en fait, je voulais poser cette question pour t'amener à comment on passe de jouer à composer. Donc à la base, je suis autodidacte, j'ai commencé à jouer en tant que bassiste. C'est quand même important parce que je pense que dans l'écriture, t'écris pas de la même façon quand. Enfin, je suis pas un guitar héros, quoi. Clairement, je sais pas. C'est pas mon truc. Commençant par la basse, après j'ai fait une école de musique un petit peu j'avais 2-3 bases pendant 2 ans qui étaient super intéressantes, qui m'a vachement ouvert à écouter plein d'autres choses parce qu'à la base j'étais très rock, metal, enfin toutes les musiques de Jones. Mm-hmm. Donc ça m'a ouvert au jazz, au classique, à plein de. Enfin, à la musique en fait. La musique, il y a. Voilà. Et après, avec 3 minutes sur mer, vu qu'on n'était que deux et qu'on a utilisé très vite, moi j'avais envie d'utiliser le sampler, vu qu'on n'avait pas de batteur, on était dans une formule hyper réduite, donc pour avoir un peu de densité, j'avais envie de le sampler s'imposer, et ça a été une vraie contrainte, mais en même temps c'est une contrainte qui m'a révélé dans la créativité, puisque effectivement, je compose vachement comme un peu. J'aime bien voir ça comme un tableau. Genre, je fais une première, un premier gimmick, et puis tiens, je vais mettre un peu de couleur en haut à gauche, un petit truc à droite. Tout simplement. Je te remercie. Guilhem, de ton côté, l'écriture, c'était venu naturellement, ou ce sont tes influences musicales, tes lectures qui t'ont amené à écrire vraiment des textes pour les mettre en musique? En fait, c'est avec 3 minutes sur mer que j'ai commencé à écrire. J'écrivais comme beaucoup d'ados, un journal, quelques écrits comme ça. J'ai pas beaucoup lu. Par contre, c'est le français qui m'a amené à écrire. C'est-à-dire que j'étais passionné de musique, le chant, et puis forcément la musique anglo-saxonne, c'est une langue qui est géniale pour pouvoir envoyer de la voix. C'est fabuleux, une langue monosyllabique comme ça. Quand on a commencé à jouer ensemble, effectivement, c'était l'envie de faire de la guitare. Moi, j'étais chanteur, très bien. Et après, qu'est-ce qu'on va raconter ? Et n'écrivant pas en anglais, il a fallu passer par le français. Et par contre, c'est vrai que c'est tout le patrimoine de chansons françaises de mes parents, en fait. Tout ce que j'ai écouté qui m'a nourri de textes. Et puis, je suis un grand tchatcheur. Donc, il a fallu transformer le français parlé en français écrit, et la chanson a été une source incroyable d'inspiration et de technique. Donc c'est surtout par la chanson que j'ai appris à écrire. Et avec 3 minutes sur mer, c'est-à-dire que de la même manière que Sam s'est retrouvé avec le sampler comme contrainte, moi j'avais le français comme contrainte, et j'amenais des thèmes, des phrases, lui amenais des gimmicks de guitare, et on a appris à faire des chansons ensemble. Et c'est ce qui fait notre couleur aussi aujourd'hui, c'est qu'on fait des chansons ensemble. C'est pas un chanteur accompagné, c'est pas un guitariste avec quelques mots, c'est vraiment, on patine et on forge à deux nos chansons. Je te remercie, en fait c'était l'objet de ma prochaine question justement sur vos séances de travail. Comment ça se passait si c'était les textes qui étaient posés avant la musique, ou si c'était vraiment un travail en binôme comme vous l'êtes sur scène? Au niveau des textes, moi j'arrive pas à finir des textes avant. Je dois être un peu feignant et puis pas très sûr de moi. Et en plus, la musique t'oblige à modifier des textes, parce qu'en tant que chanteur, j'aime beaucoup les voyelles, et il y a des endroits où si tu te laisses pas des espaces de voix, des fois, il vaut mieux... Enfin, pour nous, ce n'est qu'un point de vue, il vaut mieux casser une jolie phrase pour qu'elle sonne en voix, pour qu'elle sonne en bouche. Donc des fois, tu vas dire la chose plus simplement, mais tu vas avoir un espace de voix qui va être lié à la musique, à la mélodie. Donc c'est ces deux qui permettent d'écrire. Il y a des moments où j'ai une mélodie, elle est plus forte que le texte, et il faut que je casse le texte pour que ça ressorte. Donc c'est ensemble qu'on est obligé de finir. D'accord. En fait, sur tes ateliers de travail, t'écris, tu prends une guitare pour déjà commencer une ligne mélodique. Avant non, parce que déjà j'ai joué très mal de la guitare. Je ne suis pas guitariste du tout. Mais c'est ça qui était intéressant quand on parlait de contraintes, c'est qu'à force d'être à deux, il y a un moment, ça me fait de la guitare, moi j'ai récupéré le clavier. Et puis on a passé l'étape des premiers EP où on n'avait fait aucune chanson, donc forcément t'as de l'inspiration qui vient, t'as jamais rien écrit. Mais une fois que t'as commencé à épuiser certains thèmes ou certains gimmicks, il y a un moment, faut qu'on se mette au boulot. C'est-à-dire que ça m'écrit maintenant pour enrichir 3 minutes sur mer au niveau texte. Et moi, je commence à travailler chez moi mes textes sur de la guitare, quitte à exploser complètement la chanson que j'ai fait, parce que j'ai donné un cadre à un texte, une structure, une rythmique. Donc ça permet de mieux échanger. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus d'autres choses que nos domaines de prédilection. D'accord. Mais ce qui est super, en fait, dans ce groupe-là, c'est l'accident hyper heureux qui devient miraculeux au bout d'un moment. C'est-à-dire, moi, il y a des séances où... il y a plein de séances où on n'arrive à rien. Hein, c'est comme normal, quoi, le travail. Il faut faire de la merde pour faire quelque chose de bien au bout de 10 séances. Mais ce qui est génial, c'est quand j'amène un petit riff et que lui d'un coup il part sur un truc et puis pouf, d'un coup sa phrase, des fois c'est rien, c'est deux mots qui rentrent, mais complètement, qui comme s'il y avait un électrochoc avec la musique, et là d'un coup il y a un univers. Alors après faut gratter pour le développer, en faire une chanson, etc. Mais ce moment là, cet instant là, il a pas de prix, et c'est ça la richesse du truc. C'est pas comme si j'arrive avec un truc tout écrit, ou qu'il arrive avec un truc tout écrit. Moi, ce que je préfère, c'est quand il y a ce choc, comme les strates, la tectonique des plaques, quoi. Oui. C'est d'un coup, ça se monte l'un sur l'autre, et waouh, il se passe un truc, et pouf. En plus, venant d'univers différent, moi, je suis très, très pop FM, en fait, dans ce que j'ai pu écouter. Des choses bien, mais non, parce que quand on dit pop FM, souvent on va penser variétoche ou des trucs nuls à chier, mais il y a des chansons très très fortes, tu vois, que tu vas trouver chez Dylan comme chez R.E.M. en trois accords. Et l'avantage, c'est que quand Sam il se pointe avec un 5 temps ou une mesure un peu complexe ou une harmonie où c'est pas du tout les intervalles que j'ai dans l'oreille, dans la voix, ça m'oblige à aller chercher autre chose. Et donc tout de suite ça donne du cachet, ça donne une singularité, parce que on en revient toujours à cette contrainte, s'adapter, rechercher des choses dont on n'a pas l'habitude. Sinon on est capable de faire que ce qu'on sait faire. Et ce travail-là t'oblige à élargir ton champ de créativité, c'est ça qui est bien. Puis à l'inverse, moi c'est vrai que à la base j'avais très peur des chansons à trois accords, quoi. Donc des fois il m'oblige aussi à simplifie, vas-y tout droit. Et c'est le plus dur dans la musique, de faire quelque chose de simple, mais d'universel, faire un couplet, un refrain avec les deux mêmes accords, c'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur. En accosté, pas moins 10 degrés dehors. En respirant du formol et du lilas, nous pouvions enfin passer nos mains à l'eau chaude. Nous pouvions enfin passer nos mains à l'eau chaude. À peine le pied posé, nous nous jetions chez Elsa. De ses draps, nous pouvions enfin nous saouler et ne penser à rien d'autre. Ah non, nous pouvions enfin nous saouler et ne penser à rien d'autre. Chaude, issue du nouvel album de 3 minutes sur mer, qui est donc disponible à partir du 5 mars. Vous avez donc produit 2 EP avant de... 3 EP. 3. Le premier qui vous a servi d'être repéré par les Printemps de Bourges, je crois, si j'ai bien lu votre bio. On va dire 4 alors. Parce qu'en fait, il y a une toute première maquette qu'on avait fait tous les deux. On avait récupéré un studio pendant 2 soirs. On ne savait pas s'enregistrer et on a joué 3-4 chansons qui existent toujours aujourd'hui en guitare-voix. Guitare acoustique-voix parce qu'on n'avait pas d'ampli, pas une tune, rien du tout. Parfois, on avait découvert le multipiste, on mettait 2 guitares et on envoyait ça sans but d'être sélectionné. C'était juste... voilà, le parcours d'un musicien, c'est carrément quand tu as pris une décision, tu dis, voilà, j'envoie ma musique, on verra ce que ça donne. Et ils ont marché. On a flippé comme c'est pas possible, mais ils ont marché. Et puis de là, en fait, on avait commencé à jouer avec Léonard Mulle qui joue avec nous ce soir, qui est revenu jouer avec nous pour la sortie du disque. Et de là, en fait, on a appelé Jesse, qui est un batteur de jazz, Jesse Rakotomanga, qui est venu jouer avec nous aussi, et on a développé le groupe, c'est-à-dire de se dire, bon, ça sonne guitare acoustique voix, mais on ne voulait pas faire de la folk, on ne voulait pas faire de la chanson française non plus, enfin, en tout cas, de la chanson franco-folk. Et donc, de là, on a développé le côté électrique, le côté clavier, le basse main gauche sur clavier avec batteur jazz, avec, en ayant bien écouté les Doors quand on était plus petit. Grand fan des Doors que je suis, oui, effectivement. Et Donc c'est là où Léo a produit deux EP avec nous, auxquels on n'a pas donné de titre, parce qu'au départ, on n'était pas dans une idée de faire des disques, on était plus sur le courant du hip-hop, c'est-à-dire tu fais quatre titres, tu les enregistres, tu les distribues. Les gens partaient avec de la musique après les concerts, s'ils avaient aimé, s'ils n'ont pas aimé, t'as mal fait ton boulot, tu gardes tes disques dans ta poche. Donc on en a fait deux ensemble, et puis, puis nos chemins sont séparés, parce que chacun avait des groupes, et puis nous, on essayait de réaffirmer aussi notre identité à deux, savoir... est-ce qu'on est un chanteur accompagné? Est-ce qu'on a un duo accompagné musicien? Est-ce qu'on a un groupe? On cherchait encore, on avait voulu peut-être grandir trop vite. Et de là, on est reparti chez moi, dans mon appart, et puis avec un ordi portable, on a refait un dernier EP qui s'appelle « Notre incapacité chronique à pisser droit », parce qu'on n'est jamais capable de faire les choses dans le bon ordre, on fait tout n'importe comment. Mais c'est ce qui donne notre identité. Et puis voilà, pareil, la contrainte, c'est-à-dire que moi-même, je me suis mis à produire, à essayer de mettre sur... logiciel de son, voir comment on pouvait faire du multipiste ensemble, passer de l'accordéon, parce qu'au départ il y avait un accordéon, au clavier, etc. Donc on a essayé d'affirmer l'univers à deux. Et ce disque-là a une vie un peu particulière, les machines aussi, les bandes électro qu'on recommençait à travailler, la Groovebox. Et ce disque a une vie pendant deux ans complètement underground comme ça, parce qu'il était juste disponible sur les concerts. Et puis au fur et à mesure, on a décidé de le distribuer parce que on en vendait. Il avait sa propre existence avec ses défauts. Donc on l'a sorti, et ce qui nous a amené au disque qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait fait donc une maquette et trois EP, où on n'arrivait pas à reproduire. C'était plein d'expériences qu'on essayait d'enregistrer, sortir la musique tout de suite, que ça se balade. On n'était pas dans une idée d'un produit fini, avec un clip fini, avec des photos finies. C'était pas le propos d'être, même si ça nous a desservi, de pas être efficace en termes de communicant. Mais par contre, ça nous a permis de patiner notre musique. C'est quelque chose où il faut avoir les moyens aussi de produire. Il faut avoir quand même un peu d'argent pour un studio, avoir un réalisateur qui va t'aider un petit peu à te sortir de tes ornières et amener un troisième regard qui est un peu extérieur, qui va faire grandir ta chanson. C'est vrai qu'on n'avait pas ça, donc on a fait avec ce qu'on avait. Putain, voilà. Tu passes là-dessus, t'es pas en train de jouer, quoi. Nous, on voulait jouer, on voulait écrire. Et là, on a fait une résidence en septembre à GMAP, où Chris Gérard est venu avec nous, avec Stan qui est aux lumières. Et Chris était au son, et en fait, il a sorti un multipiste, il l'a enregistré. Et de là, lui, il a amené une plus-value sur ce qu'on savait pas faire, et on s'est dit, vu qu'on est en recherche de comment on va faire un album en studio, là, d'un coup, il y avait un album live qui était disponible là. Il a tout branché, il a tout mixé, il y avait deux soirs. Donc, on a décidé de sortir ce disque qui comprend des nouveaux titres, des anciens qui sont sur les EP, mais qui sont complètement explosés en termes d'arrangement, qui sont différents, parce qu'il y a 4 ans de pratique sur scène. Donc voilà, donc là on avait un polaroid de voilà, l'énergie scénique, c'est ça. Donc si on peut compenser le non savoir-faire qu'on avait sur les précédents en tant que réal, j'espère que ça sera chose faite. On a essayé de donner ce. Moi ce que j'aime bien avec l'idée du live, c'est que c'est vrai. C'est on est ça en live. Et par rapport aux 10 précédents où on savait pas trop, même sur en live on n'était pas, les arrangements n'étaient pas les mêmes, l'intention n'était pas la même. Là c'est depuis entre le premier, la première maquette et ce disque là, ce disque là c'est la conclusion de ce qu'on est aujourd'hui en tant que groupe quand on nous voit sur scène quoi. On peut pas, tu peux pas faire moins. Enfin voilà, il y a pas de triche quoi. Il y a quoi, il y a 4 pistes, toutes les guitares sont sur la même piste parce que de toute façon c'est samplé, c'est comme ça. Des fois il y a quelques pains, mais c'est beau, c'est quand même, il y a de l'énergie, elle est là quoi. Et tout à l'heure tu parlais de contraintes par rapport à la machine. C'est un vrai choix de pas prendre de basse, batterie. Vous vouliez vraiment rester à deux pour garder cette authenticité que vous aviez En fait, au tout début, surtout, au tout début, on n'avait pas le choix parce qu'on, des batteurs, on n'en connaissait pas. Enfin, ou très peu, ou alors il y avait toujours un truc qui allait pas, ou bref. Donc, les musiciens, on les avait pas, donc on s'est dit, on va pas attendre d'avoir la bonne personne, ça n'existe pas, la bonne personne, tu la rencontres quand tu fais les choses. Donc, faisons les choses et puis on va voir ce qui se passe. Et puis après, en tout cas, moi personnellement, c'est vrai que je me suis pris au jeu du côté hypnotique de la machine et j'aime bien la essayer de déjouer avec elle, c'est-à-dire que j'essaye de qu'elle sonne pas froide. Si arriver sur scène à faire en sorte qu'une machine sonne musicale, parce que tu tournes autour, Voilà, c'est comme, même avec un métronome, tu peux le faire sonner musicalement ton métronome si t'es vraiment au fond du temps, machin. Enfin, pour moi, c'était un super défi, quoi. Et d'arriver même sur scène, voilà, où il y a, enfin, on nous a jamais dit, oh, la machine, ça, genre, on sent l'effet machine. Non, on voit un groupe live qui utilise des machines, mais on sent pas le côté playback ou, non. Non, puis en dehors de la machine, ce que tu poses comme question, savoir si on a besoin de musicien ou pas, il y en a pas un de nous deux qui est auteur, compositeur, interprète. On fait le travail d'un mec, en fait. Mais on s'y est mis à deux. On fait le travail d'un mec. Je suis incapable de jouer. Je peux te jouer une chanson de guitare-voix. Ouais, et peut-être ça, une aussi. Mais c'est pas le propos. C'est qu'en fait, on a pris cette habitude où, aussi, peut-être qu'une fois qu'on aura fait l'album, on aura envie de l'orchestrer comme ça sur scène. Et là, on pourra appeler des gens parce qu'on aura fait nos choix tous les deux. Mais c'est vrai que c'est un duo là-dedans parce que c'est viscéral. À partir du moment où il a des frissons dans le ventre, et moi aussi quand on écrit un truc, si tous les deux on l'a, c'est une chanson de 3 minutes sur 1. Si on l'a pas, ça n'en est pas une. Tu mets une troisième ou une quatrième personne qui dit oui, mais moi je pense que peut-être que tu peux appeler ton voisin, ta grand-mère ou n'importe qui, et à la fin tu sais jamais si ta chanson elle est bonne ou pas. Là, c'est comme ça. C'est un truc, ça c'est 3 minutes, ça ne l'est pas. Point. Ça fonctionne. Donc c'est plus tard. Je pense que plus tard, d'ici un an, on pourra avoir. De l'accompagnement parce qu'on pourra guider les gens parce qu'on commence à savoir un petit peu qui on est. Avant c'était un petit peu compliqué. T'appelais des gens pour qu'ils te disent toi qui tu es et tu dis oui je sais pas, ça me plaît pas. Maintenant ça va être plus simple. Voilà. Ça, vous avez fait appel à pas mal d'invités. Ouais. Alors, ce sont des artistes avec qui vous avez des affinités artistiques, que vous avez rencontrés sur d'autres scènes ou que vous kiffez simplement, quoi. Ouais. Bah, Nicolas Jules, déjà, qui j'aime pas le mot, qui vient faire la première partie, mais c'est quelqu'un qu'on admire énormément. C'est un chansonnier qui est merveilleux, un parolier vraiment incroyable. Je sais pas, j'ai dû le voir 5-6 fois, voire 7, je crois, en concert entre les Baudets, le Limonaire et certains festivals. Et voilà, on voulait montrer aussi des gens pour qui on a beaucoup de respect, que des gens qui viennent écouter peut-être notre côté un peu plus rock'n'roll, c'est parce qu'à chaque fois on nous dit mais Nicolas Jules c'est qui? Attendez, tiens, bah, ok, viens, on l'a fait venir, tu viens, tu vas voir un peu ce que c'est. Donc ça c'était un grand honneur, un grand plaisir pour nous qu'il soit là ce soir. Valérian Renaud, c'est le chanteur des Vendeurs d'Enclume, c'est l'orchestration la plus puissante de la décennie en chanson française. C'est un parolier hors norme et c'est mon ami. Voilà, c'est un copain avec qui on a déjà chanté, qui nous ont offert beaucoup de premières parties. Fanche, c'est aussi un chansonnier, un teigneux du café cabaret, de l'accordéon vin rouge, brillant, avec qui on a fait une résidence aussi à Tremblay. C'est des gars avec qui on a joué, c'est des copains d'abord, et en même temps, on verra ce que ça donne sur le concert ce soir. Je sais pas si on aura fait les bons choix, pas les bons choix. L'important, c'était qu'il soit là. Et encore, on aurait pu inviter plus de monde, mais on s'est dit que ça serait un peu trop, parce qu'on est très content de faire ce concert, mais... Quand même pas les têtes raides qui fêtons leurs 10 ans. Fallait se calmer un peu, mais... C'est la première fois qu'on organise de la promotion sur un disque et qu'on veut se faire plaisir, et quitte à faire une fête et louer une salle, t'appelles tous tes potes, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est clair. Et donc, il reste aussi invités, Julien Elliott du Complot Mathilde, donc avec qui j'ai joué moi pendant un an, il y a un an et demi maintenant. Je les ai accompagnés sur toute l'écriture de leur deuxième disque, et voilà, c'est devenu. Sam jouait, ils m'ont fait l'honneur de m'inviter sur un duo sur l'album pendant l'été que vous enregistrez. Voilà, c'est des ponts. C'est des ponts entre ceux qui aiment du rock'n'roll, de la chanson, et puis. Et puis à l'heure actuelle, où quand c'est cette famille, quand t'as pas de promo, t'as pas de tourneur, t'as pas de label, il y a que sur tes potes que tu peux compter, quoi. Et là, c'était le soir, on pouvait leur rendre l'appareil et puis leur montrer qu'on les aimait beaucoup. Depuis 2007, vous avez créé donc 3 minutes sur mer. Vous avez notamment été accompagné par les trois Baudets. Hein. Vous avez été sélection Deezer 2011, prix du jury à Trampolino, sélection Itinérance 2012 et Zebrock 2012. Qu'est-ce que ça vous apporte, c'est une reconnaissance déjà dans un premier temps que vous puissiez être repéré par ces structures. Les trois Baudets, ouais. Quand ils nous ont repéré, en plus on était très voire trop jeunes musicalement. pour avoir, parce que c'est on était la même année où on était parrainé avec les Baudets, t'as Nicolas Jules qui arrive avec presque 15 ans de carrière, et toi t'as 10 concerts aux fesses. Ça te fait tout drôle, mais ça nous a permis, c'était une enzyme en fait, un accélérateur pour apprendre. C'est que d'un coup t'es confronté à des gars comme David Lafort, comme Nicolas Jules, comme Humbert Humbert. Ouais, ouverture des Baudets, t'as Carmen Maria Vega avant sa signature qui vient jouer, tu la vois chanter, tu fais ok, d'accord. Tu te rends compte un petit peu de ce que c'est. Et puis t'as un petit Bassoul, il est comme ça, il te met dans la fosse loin, il te dit regarde, vas-y. Il a ce truc là, il a cet amour de découvrir des artistes. Et donc pendant un an on a été avec eux, ça nous a permis de tourner aussi. On a fait une vingtaine de concerts avec les trois Baudets, d'être repéré après par à leur chante aussi à Montauban. Après les tremplins, oui, itinérance c'est autre chose. Itinérance, ça te permet d'être aidé financièrement, d'avoir des subventions pour pouvoir faire de la résidence, de peaufiner ton travail scénique, de pouvoir enfin récupérer Stan et Chris qui sont des techniciens mais pointus et qui à un moment, bah voilà, il faut des moyens pour pouvoir faire bouffer tout le monde. Donc c'est une reconnaissance parce que tu te dis que t'es sur la bonne voie, mais c'est surtout un apprentissage. Quand tu fais le Zabrock, t'es là aussi pour prendre des cours, t'es là aussi pour faire des ateliers, tu vas faire du chant, tu vas faire de l'écriture, tu vas faire du jouage avec ta puis voir aussi les autres groupes, parce que comme tout artiste on est un petit peu nombriliste, on est un peu dans notre bulle quoi, ce qui est bien aussi, hein, il y a besoin, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir là à Zebrock qu'on en a rencontré pas mal là, qui ont des projets qui sont super intéressants, ça fait du bien aussi à la tête de s'ouvrir et de voir un peu les voilà, ça fait des soirées comme ce soir où tu te retrouves, ah putain, lui, il n'y a pas moyen, il faut l'inviter, quoi. Il est obligé, il faut qu'il vienne, quoi. Voilà. Du coup, on a peut-être une chance de vous voir au Festival de l'Humain, si, parce que c'est quand même Zebrock qui fait leur pairage pour. Ouais. Moi, après, c'est très plaisir. Oui, voilà, ça, je sais pas si on verra, c'est, parce que ça reste une compétition, mais en même temps, tous les projets sont très différents. Ça serait difficile de dire que le slam va gagner sur le rock'n'roll et que le rock'n'roll va gagner sur la chanson. Mmh. Mais vraiment, vu les intervenants qu'on a sur le Zabrock, déjà d'être parmi les 10 ou 12 lauréats, c'est ça qui est important. Mmh. Après, bien évidemment, tu fais la maroquinerie, tu fais la fête de l'Huma, je prends mon billet tout de suite, hein, bien, c'est mmh. évident. Mais c'est du bonus, quoi. Voilà. C'est du bonus. Mmh. Tu sais, quand tu te retrouves en une heure en studio, avec François Solini ou avec Hervé qui joue avec Sanseverino, qui dit tiens, tu travailles juste sur une mesure et t'as 20 ans de métier qui te tombe dessus sur 4 temps là, et là il va sonner, ça vaut déjà pour ce que ça te nourrit plus que la fête de l'Huma, je pense. Déjà ça c'est bien. Alors Flo m'a dit qu'il allait sûrement vous préparer une petite tournée en Québec, même si je sais que c'est pas très simple, hein, de s'organiser pour aller là-bas. Vous avez une attirance particulière pour ce pays? Ouais. Enfin moi ouais. C'est le croisement entre le rock'n'roll anglo-saxon et des gars qui sont encore amoureux de la langue française. Et ça fait longtemps que je voulais y partir parce que par exemple on faisait une reprise nous de Félix Leclerc, c'est un gars qu'on écoutait quand on était petit. T'as des artistes québécois comme lui qui sont vraiment puissants et quand je suis tombé sur Carquois et sur Mono Grenade l'année dernière, ça a été une telle claque. D'avoir des gars qui ont aucun scrupule à te mettre trois guitares, à mixer à l'anglaise la voix. Et effectivement, à part sortir de la même manière, pas moins variété que ce qu'on fait nous en France, ils vont s'y mettre à deux voix, ils vont tous chanter. Et ce plaisir du mot. Ouais. Vu que la France regarde beaucoup l'Angleterre, nous, on va aller regarder de l'autre côté. Il y a quelque chose comme ça où, je sais pas, c'est une envie, c'est un fantasme. C'est le rêve américain avec la langue de Brel. Donc c'est parfait. Alors, si demain vous deviez partir justement dans d'autres contrées comme le Québec ou le Canada, quels seraient les albums que vous mettriez dans votre valise? Guilhem, à ton tour. Quels albums je mettrais dans ma valise? Soit des albums récents, hein, ce que tu écoutes en ce moment par exemple, ou vraiment des albums qui te sont mythiques. Oh, il y en a un paquet. Tu tombes à une période où je commence à être obsédé par Jack White, j'ai l'impression de le découvrir tard. Avec les White Stripes et puis ce qu'il a fait avec The Dead Weather, j'aimais beaucoup les Kills pour les plus connus. Agnès Obel a fait un album extraordinaire piano voix qui a tombé par terre, mais après moi je peux être fan de trucs très très folk aussi comme Bon Iver ou ce qu'a fait The First Aid Kit ou This Is The Kit qui est un groupe anglais. The First Aid Kit c'est un groupe suédois. En francophone, de toute façon, je partirai toujours avec Dominica, ça c'est évident. Ça c'est un truc où je pourrais jamais m'en passer. Et là, si on est en tournée, je me remettrai dans ces cas-là à réécouter Noir Désir et Brel. Parce que je me l'interdis en ce moment, parce que qu'un bon adolescent, t'as pas envie de ressembler à ton père. Mais qu'à un moment, faut savoir où est sa filiation quand même. Bah, cela dit, j'ai lu une critique sur Internet, justement, où il y avait des... On parlait de Brel, de Noir Désir, et j'imagine que t'as dû les lire, ces critiques. Ouais. Ça fait plaisir, j'imagine, mais c'est pas trop lourd à porter non plus. Beaucoup. Surtout quand... Si c'était pour des bonnes raisons, de toute façon, ça fait plaisir. Ça, c'est certain. Après, c'est... Je suis assez déçu par ce qui se fait en chanson à voix en France. Dès que t'es à voix, c'est de la variété. Et la manière que vont avoir beaucoup de chanteurs de faire sonner le français, c'est de mettre une petite touche d'accent anglais là-dedans. Et en fait, on se retrouve avec une filiation avec Noir Désir ou Brel, alors que c'est des mecs qui prononcent le français. Et vu que la plupart des gens qui ont fait les références n'ont pas écouté beaucoup de groupes en français. C'est-à-dire que nous comparer à Brel ou à Noir Désir sans savoir qui est Dominica ou Nicolas Jules, c'est évident que si t'as pas plus de références que ça, à la limite, c'est plus sur ce que je vais faire moi vocalement, bien sûr. Mais Sam, il fait quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Donc, à une époque, ça me faisait chier pour parler direct. Mais aujourd'hui, je me dis, tant qu'on me parle pas de Christophe Maé, moi, ça me va bien. Non, il y a pire comme comparaison. Ouais. Moi, j'ai pas répondu sur mon top de disques. J'allais y répondre. Moi, j'adore les tops. En plus, ça me fait kiffer. Moi, je prendrais le dernier album de PJ Harvey. Comment il s'appelle? Let England. Je sais plus quoi. Let England Shake. Je prendrais Sketches of Spain de Miles Davis, parce que quand même, il faut pas déconner. Je prendrais Wooden Arms de Patrick Watson, parce qu'on est au Canada, donc voilà. Et après, moi j'aime bien les classiques, mais ouais, je crois que je prendrais quand même au moins un Jimi Hendrix et non, pas un Doors, peut-être pas. Ou, non, je pense que je prendrais A Test for Bitter de Shockboard. Ah oui, suis-je bête? Donc bah du coup j'en prendrai pas que 10 en fait, oui. Je pense. Aujourd'hui on part avec un disque dur. C'est l'avantage de la dématérialisation, justement. En parlant de dématérialisation, bon, le monde musical est en pleine mutation en ce moment. Vous avez connu les vinyles. Ouais. On est passé d'un format vinyle à un format 12 cm le CD, et maintenant bon, on voit bien les jeunes qui écoutent que sur des iPods ou des iPhones. Par rapport à ça, vous, est-ce que vous avez des craintes sur votre développement qui seraient liées justement à vos ventes d'albums? Parce que même si je sais que vous, c'est la scène qui vous tient, mais quand même, cette mutation-là, elle nous fait craindre quand même des problèmes de distribution. Là vous sortez un 8 titres. Mm-hmm. Est-ce qu'on va le retrouver en magasin? Je sais que bon, vous allez distribuer sur iTunes, enfin sur d'autres plateformes sûrement, quoi. Mais vous n'avez pas de crainte particulière par rapport à cette problématique de vente d'albums, de distribution? Déjà, on a construit notre groupe, c'était déjà le merdier. Donc nous, on est issus de ce problème de l'industrie du disque. Donc ce pourquoi on n'a jamais fait de premier album, déjà. Pourquoi faire un album si c'est pour en faire un sous-boc à bière? Il ne sera pas distribué, il n'y aura pas de producteur derrière, il n'y aura pas un bon réal. Tu ne pourras pas, en termes de prod, rivaliser avec Rihanna ou avec un album. Enfin, il faut des milliers d'euros pour faire un disque. Et en plus, t'en vends plus. Et puis, on s'est jamais vu comme un groupe de studio pour l'instant. Le seul souci que je vais avoir, moi, avec la dématérialisation, c'est qu'on baisse en qualité. C'est-à-dire que mettre un vinyle ou un CD, parce que je suis pas vintage à fond, mais sur une platine, une bonne platine, ça n'a rien à voir avec écouter ton MP3 sur ton ordi. J'espère que les fabricants vont élever le niveau de qualité audio. Le seul souci que me pose la dématérialisation, c'est pas d'être distribué ou pas, parce que franchement, il y a un moment, sans être larmoyant, on en discute avec Sam souvent quand tu vas parler de politique, quand tu vois les merdiers qu'il y a en Grèce, ou les problèmes qu'on a avec les banques ou autres, de savoir si on va sauver l'industrie du disque, même nous en tant que musicien, on s'en tape un peu comme il faut, quoi. Par contre, quand tu te retrouves sur des phénomènes de comparer ce qu'il y a eu aujourd'hui en termes de téléchargement libre et comparer ce qui était Napster au début quand ça a commencé, c'était de l'échange d'auditeurs de choses qu'ils possédaient. Aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose où les gens sont tellement saignés au portefeuille que ça paraît légitime de servir dans le magasin. Et ce qui nous amène au fait que nous-mêmes, on est des gens qui écoutent de la musique gratuitement. On a téléchargé des disques aussi gratuitement. C'est pas le propos. Mais on va se retrouver avec des gens qui vont dire, tiens, entre le concert qui est gratuit, parce qu'on a fait la plupart de nos concerts étaient gratos, et le concert à 3€, c'est quel soir? Parce que je préfère venir le soir où c'est gratuit. Et à un moment, tu dis, mais tu sais qu'on paye pour jouer? Et qu'on en arrive à un point où on est chacun en train de préserver son porte-monnaie, alors qu'on s'aime. L'auditeur et le groupe, on a envie d'être là, on a envie d'être ensemble, on a envie de faire quelque chose. Après, c'est vrai que nous, en tant qu'artistes, on a toujours essayé de développer, de faire des concerts qui soient différents, d'amener des invités, d'amener d'autres arrangements à chaque concert pour qu'il y ait une envie. Mais ce qui pose souci, c'est qu'on est dans cette dématérialisation là, c'est qu'on a mis l'auditeur contre l'artiste, on a mis dans la réalité le chômeur pauvre contre l'ouvrier pauvre, et qu'on oublie que le souci se pose au milieu. Il y a l'éducation aussi, parce que moi, qu'il y ait une part de gratuité, je pense qu'elle est, une fois qu'elle est un peu là, tu peux pas l'enlever. La part de gratuité dans la diffusion, elle est, faut faire avec, et quelque part, tant mieux, parce que moi, ça m'a donné accès à plein de choses que j'aurais jamais achetées, que j'aurais jamais vues. Donc, ouais. c'est super. Par contre, effectivement, comme dit Guillaume, entre les gens qui viennent, c'est quand le concert qui est à 3€, celui qui est gratos. Par contre, les gens, c'est vrai qu'ils sont pas éduqués à la gratuité. Donc ils sont toujours dans un réflexe un peu mesquin, alors que ça peut être une très belle chose, surtout dans cette période hyper mercantile où il y en a qui se gavent tellement. La gratuité, ça peut être une belle réponse, mais les gens, il faut qu'ils soient un peu éduqués. Gratuit, c'est pas genre, il y a une vraie responsabilité aussi derrière. C'est un échange. On a perdu la définition du mot liberté. La liberté s'arrête à celle d'autrui. Et souvent, on a envie de faire juste ce qu'on veut. Ça a été le problème dès les années 70, tu vois, un festival comme Woodstock, on oublie que ça a été un bazar pas possible. Mais quand t'as retrouvé ça avec les teufs, les premières rêves parties dans les années 80, c'était 400 mecs dans un champ, c'était pas un problème. On a fini dans les années fin 90, début 2000, à être des milliers à détruire des zones agricoles qui nous appartenaient pas, en disant, attends, on fait ce qu'on veut. L'important, c'est qu'on échange. Qu'on soit ensemble. Moi, je préférerais faire des tournées où on fait des concerts en appartement, où chacun amène son plat de pâtes et on mange tous ensemble après avoir joué gratuitement et chacun amène à manger et on est ensemble. Et c'est ça qu'on a oublié de retrouver, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et tu vois, en plus, ça m'énerve parce que c'est d'autres politiques qui ont récupéré ces slogans à la con de ensemble, tout est possible. Alors quand, non, mais c'est vrai, ils ont été pillés à un truc absolu. On va rentrer dans un autre débat aussi, mais c'est voilà. Il y a des choses, il y a plein de gens qui organisent des concerts en appartement, qui organisent t'avais des mecs aussi, des DJ qui arrivaient, qui vendaient le live qu'ils venaient de faire à l'instant, à moins cher, ou, je sais pas, viens avec ta clé USB, comme ça tu payes pas le support. Enfin, trouver des idées, mais ta question au départ, c'était la dématérialisation. Oui. C'est pas un problème au niveau d'enregistrement, mais ça pose un souci sur le rapport entre les gens aujourd'hui. C'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Enfin, dans ce qu'on. Parce que bon, sans parler de vente d'albums, là, vous avez quand même pas mal de dates depuis que vous avez créé 3 minutes sur mer. C'est-à-dire, économiquement, vous vivez pas de votre musique. Donc vous avez, j'imagine, des jobs à côté pour essayer de remplir la gamelle, quoi. Une famille mais, aussi. Et puis il y a aussi des familles, quoi. Mais si demain vous arriviez justement à vivre de ça, ce serait quand même, j'imagine, pour vous, enfin, un objectif clair et net de pérenniser votre formation pour que vous puissiez faire de représentations et puis avoir le temps et les moyens de créer. Tu sais, même à défaut de vivre notre musique, c'est bien sûr. Moi, j'ai eu la chance cette année d'être intermittent, donc ça te donne un confort. Mais tu me diras, moi, j'ai fait comme au casino, tapis. Je remets tout dans le groupe et dans le matos. L'intérêt pour nous, si on arrive à vendre le spectacle, parce que là, on fait des concerts, mais on est deux, on se balade en 405 avec notre propre sono sur le dos, et on peut pas offrir le spectacle qu'on aimerait montrer aux gens, comme ce soir. Ce soir, on a cassé la tirelire, mais d'un coup, on peut avoir un ingé son qu'on aime énormément en termes de technique, un ingé lumière, mais qui est incroyable. Voilà, t'as l'espace GMAP qui nous a prêté du matos, et ça coûte de l'argent. Parce que t'as des mecs qui ont des gosses, quoi. Il faut qu'ils bouffent. Je pense que si on arrivait à professionnaliser, avant de savoir si on peut en vivre, c'est que ça nous permettrait de montrer, d'avoir des moyens pour, ou du studio, ou de la scène, mais montrer autre chose. Un concert dans un bar et un son et lumière au Divan du Monde, j'espère que ça va être autre chose, quoi. Qu'il va y avoir une différence. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Bon, bah merci en tout cas. Donc là, vous allez partir du côté de Rennes, Nantes, Lyon même. Ouais. Vous avez une date dans le off du Printemps de Bourges, je crois, le 26 avril, c'est ça? J'ai pas retenu l'endroit où vous allez jouer. À la Table d'Harmonie. Là. La Table d'Harmonie, c'était un des cafés où, Je crois pas qu'ils y seront cette année, mais l'Assaut des Tontons, qui est une grosse valeur sûre du off de Bourges, faisait jouer ses groupes. Et donc voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas, puis leur montrer où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ok. Donc votre nouvel album Désespoir de Singe est disponible donc depuis le 5 mars. On peut retrouver toutes les informations concernant vos concerts sur le site www.3minutessurmer.com, 3 minutes tout attaché, ou sur votre page Facebook. Merci Samuel, merci Guilhem. Cet entretien réalisé par l'Éloge Sonore a été enregistré le 4 mars 2012 au Divan du Monde. Merci à Florent de Kalima Productions d'avoir organisé le rendez-vous. On se quitte avec un dernier titre, Moi et les gens. Salut! Moi, j'aime les gens que je ne connais pas, qui laissent la porte ouverte même quand il fait froid, qui ferment pas la fenêtre, surtout quand il pleut, qui dansent sous les bombes, qui ne sont pas sous leurs pieux. J'aime les gens que je ne connais pas, qui savent regarder et que l'on ne voit pas, qui me laissent des mots perchés sur mon oreille, que je garde bien au chaud pour mes nuits sans sommeil. Surtout quand il pleut, qui danse sous les pompes, qui ne sent pas sous leurs pieds.